Crevettes dansent, les crabes dansent pas. Danse pas le crabe. Interdiction formelle pour les crabes de danser. C'est un ami fossoyeur. Moins vite. Yvette Cornarbus à la lune des pirates. On a eu du homard dans les loges. On a eu de la chimée dans les loges. On a eu des petits trucs dans les loges. Comment tu peux dormir alors que t'as même pas du sommeil? T'es ridicule comme un schtroumpf qui a perdu sa carte vermeille. Comme un con, t'as une folle envie de klaxon pour réveiller ta sœur qui dort en prison. Toi, t'es trop jaloux. Ton rêve, c'est de finir au fond du trou. Pour te venger de paillettes, tu finis par jeter des poissons-chats sur le commissariat. Des poissons-chats sur le commissariat. Creuse la tombe, creuse la tombe, creuse la tombe. Creuse la tombe, creuse la tombe. Représente lycée Pouchet de Perle, Abbeville. Ton rêve, c'est de croire aux histoires de fantômes le matin quand tu manges une pomme. Mais mon petit bonhomme, tu me fais trop penser à une orange en automne. T'as des envies d'épilepsie, des envies de jeter des chauves-souris sur la gendarmerie. Gendarmerie. Ouais, moi je veux bien frapper un gendarme à condition qu'il n'ait pas d'âme. Creuse la tombe, creuse la tombe, creuse la tombe. Creuse la tombe, creuse la tombe avec une méga bombe. Creuse la tombe, creuse la tombe, creuse la tombe. n'existe même pas. Tu peux donc rentrer chez toi. Mes copains, ils vont faire tourner le truc en boucle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui l'écoute. Plus personne qui l'écoute. Tourner le truc en boucle. Ouais, en boucle. Plus personne qui l'écoute. Ouais, qui l'écoute. Tourner le truc en boucle. Ouais, en boucle. Plus personne qui l'écoute. Ouais, qui l'écoute. Qu'il écoute. Ouais, en boucle. l'écoute. Ouais. Personne qui l'écoute. Tournez le truc en boucle. Enferme-toi dedans, tu nous entendras plus.